Depuis le temps que je connais Monsieur X, une question me brûle les lèvres. Comment ce diable d'homme peut-il connaître autant de dossiers secrets? Une question que certains d'entre vous se posent également, je le sais, parce qu'ils me l'ont écrit. D'accord, Monsieur X a travaillé dans les services de renseignement. Il a même exercé des fonctions politiques qui lui ont permis de pénétrer quelques secrets d'État et il garde de par le monde nombre d'amis qui continuent de l'informer. D'accord, dans plusieurs cas, M. X m'a avoué avoir joué un rôle actif. Pour d'autres affaires, il m'a affirmé avoir eu accès à des sources d'informations privilégiées, mais quand même. Alors cette semaine, lorsque je l'ai à nouveau rencontré dans ces bureaux déserts où nous avons désormais nos habitudes depuis plusieurs mois, je lui ai posé crûment la question au tout début de l'enregistrement. Écoutez. Mais comment vous pouvez savoir tant de choses? Expliquez-moi. Pourquoi? Vous avez des doutes? Je suis sûr en tout cas que pas mal d'auditeurs se posent la question. D'ailleurs, ils me l'écrivent. Alors, il est peut-être temps quand même de me donner une explication, non? Comme vous voudrez. Le devoir de vérité, vous connaissez, Monsieur Penaud? Eh bien, imaginez que des hommes qui ont dû se taire toute leur vie, qui ont dû dissimuler bien des lâchetés, bien des secrets pas très propres, aient soudain envie de révéler au grand jour ce qu'ils savent. Mais vous avez dit des hommes, hein, je vous ai bien entendu. Des hommes, oui. Et je ne suis seulement que l'un d'eux. Alors vous vous exprimeriez au nom d'un groupe? Bon, disons que je connais beaucoup de gens qui ont envie que l'on sache enfin la vérité. Et qui m'ont fait beaucoup de confidences. Parce qu'ils avaient confiance en moi, parce qu'ils savaient qui j'ai été et ce que j'ai fait. Ça vous va comme réponse? Non, pas tout à fait, non. J'ai du mal à imaginer cette espèce de club des anciens du renseignement qui sont en même temps des redresseurs de vérité. Tant pis. Désolé, mais je ne vous en dirai pas plus. Un instant quand même. Qu'est-ce qu'ils cherchent, vos amis et vous-même d'ailleurs, à décharger leur conscience? Oh, pas de grands mots, je vous en prie. Mais tous, à un moment ou un autre, nous avons été obligés d'accomplir des missions qui nous ont semblé contestables, moralement contestables. Ouais, c'est bien ce que je disais. Bon, un seul exemple et vous comprendrez. Vous croyez que c'était plus facile pour des gens qui s'étaient battus pendant la guerre, qui avaient risqué leur vie dans le combat contre l'occupant, d'être obligés de faire ami-ami avec d'anciens nazis, au nom de la raison d'État? Alors, suis-je assez clair maintenant? Nous avons encore bavardé longtemps sur ce sujet, mais Monsieur X prétendait m'avoir dit l'essentiel. Et il n'était pas question pour lui de me donner des indications précises sur les identités ou les fonctions de ses amis. Toutefois, je lui ai demandé de préciser ce qu'il voulait dire à propos de cette collaboration avec d'anciens nazis. Et c'est ainsi qu'il a évoqué une des pages les plus mystérieuses de l'après-guerre, la chasse au cerveau nazi. France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. Il faut d'abord dire une chose, avant même que la guerre soit terminée, enfin je veux dire la Deuxième Guerre mondiale, une autre guerre se préparait, féroce, impitoyable. Vous voulez parler de la guerre froide? Oui, oui. Elle était d'ailleurs déjà en germe, parce que les gens bien informés savaient que, passé l'euphorie de la victoire, le prochain adversaire, ce serait l'URSS. Alors, il fallait tout mettre en œuvre pour se préparer à cette confrontation. C'est dans cet esprit que les alliés, tous les alliés, ont commencé à faire leur marché dans l'Allemagne vaincue. Faire leur marché, ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est clair, non? Il fallait rafler en Allemagne tout ce qui pouvait être intéressant. Et surtout, il fallait être les premiers. Oui. C'est-à-dire passer avant les Soviétiques. Bon, naturellement. Encore que les alliés, entre eux, se sont certainement pas fait de cadeaux. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais quand vous dites tout ce qui était intéressant... Bah, écoutez, il y avait d'abord les usines, les machines, mais il y avait surtout les hommes. Deux sortes d'hommes. D'une part, des spécialistes du renseignement. Pourquoi? Parce que ces hommes en savaient beaucoup sur l'ennemi de demain. C'est ainsi qu'un type comme Gehlen, chef des services de renseignement nazi pour l'Europe de l'Est, a été aussitôt embauché par les Américains, comme Barbie d'ailleurs. Oui, mais enfin, Barbie, c'était pas un spécialiste du renseignement. Non, non, mais à sa manière horrible, c'était un bon flic. Et c'est son savoir-faire qu'on s'est approprié. On a d'ailleurs vu plus tard l'efficacité de ce triste individu en Amérique du Sud, et plus particulièrement en Bolivie. En Bolivie, oui. Enfin, les types les plus recherchés, c'était les savants. Les ingénieurs, enfin tous ces hommes qui travaillaient sur les fameuses armes secrètes qui devaient assurer la victoire d'Hitler. Les fusées. Oui, les fusées. Et puis l'arme atomique aussi, car on pensait alors que les Allemands n'étaient pas très loin du moment où ils auraient pu construire leur bombe atomique. Mais concrètement, ça s'est passé comment, cette chasse au cerveau? Comme une course de vitesse. Et là, je dois avouer que ce sont les Américains qui sont partis les premiers. Bien avant les Russes et bien avant les Français aussi. Et pourquoi vous avez une idée pour expliquer cette avance américaine? Tout simplement parce qu'ils sont Américains, parce qu'ils ont d'abord réagi en businessmen. Dès qu'ils ont su que les savants d'Hitler travaillaient sur des armes nouvelles, ils ont alors décidé de récupérer ces types au plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'en s'emparant du bagage scientifique et technologique de ces savants, ils économiseraient des millions de dollars en recherche. C'est pas plus compliqué que ça. Une histoire d'argent, mais vous pouvez dater le début de cette course très particulière? Oui, je peux vous dire que dès 1943, les Américains y ont pensé. Presque 2 ans avant la victoire, c'est quand même inouï, non? Mais ça voulait donc dire que les Américains, d'une façon plus générale, les Alliés, avaient des informations précises sur ce que préparaient les Allemands. Exact, sur l'état de leurs recherches en matière nucléaire. Les Alliés étaient dans le flou. Mais on se doutait que les Allemands avançaient vite et qu'ils disposaient de savants très très pointus. Et puis depuis l'invasion de la Norvège, ils avaient quand même mis la main sur une usine produisant de l'eau lourde. Et cette eau lourde était indispensable pour qui voulait construire une bombe atomique. On n'en savait pas plus. Par contre, on était beaucoup mieux informés sur les fusées, les trop célèbres V1 et V2. Mais pourquoi mieux informés sur les fusées? Et bien, tout simplement parce que les Allemands avaient fait une erreur assez colossale. En effet, à court de main-d'œuvre, ils avaient enrôlé des travailleurs luxembourgeois dans leur fameuse base secrète de Peenemünde. Peenemünde, c'est là où Von Braun et son équipe mettaient au point les V2, hein? Oui. Base secrète. Ouais. Absolument. Bon, sans doute les Allemands pensaient-ils que ces luxembourgeois de culture allemande participeraient de bon cœur à l'effort de guerre. C'était mal les connaître, car certains d'entre eux, courageusement, ont réussi à faire passer à Londres des informations très précieuses sur les mystérieux V2. Ça voudra d'ailleurs à cette base secrète d'être massivement bombardée un peu plus tard. Mais revenons à la course de vitesse dont vous parliez. Oui, vous avez raison, je m'éloigne de mon sujet. Donc, très vite, les Américains mettent sur pied une mission de chasseurs de tête, la mission Alsos, dirigée par un physicien et un militaire. Alsos va être le fer de lance de cette chasse au cerveau, et elle va suivre, sinon précéder, l'avancée des troupes alliées en Europe. Et les Français? Ils vont réagir tardivement. Enfin, je dois dire que nous ne sommes quand même pas trop mal débrouillés, même si parfois ça nous a coûté très cher. Regarde les rues de la grande ville. Regarde les murs de la grande ville. Je n'ai rien d'autre, je n'ai ces murs-là et mon cœur qui bat. Regarde les gens de la grande ville. Quelle était la réalité de l'avance technologique allemande ? En se référant à divers ouvrages consacrés à cette question, voici ce qu'on peut dire. Il apparaît en effet que l'Allemagne était notoirement en avance, et surtout parce que dans ce pays, les réalisations industrielles étaient très proches des travaux de laboratoire. Il faut en effet savoir que dès 1939, par exemple, l'ingénieur Heinkel a fait voler un avion à réaction. En 1942, le premier V2 est expérimenté avec succès. C'est un engin terrifiant pour l'époque, une fusée plus rapide que le son et donc inaudible à son arrivée sur l'objectif. Un engin dont l'ogive pouvait accueillir une charge explosive d'une tonne ou éventuellement une bombe atomique. C'est en somme l'ancêtre de nos missiles actuels. Et ça signifiait que les Allemands avaient maîtrisé les techniques de téléguidage par radio. D'autre part, les savants nazis travaillaient à l'étude d'autres armes redoutables. D'abord, un super canon capable d'envoyer des obus à plus de 200 km. Ensuite, le V3, une fusée gigogne, une fusée à étage, comme on dit aujourd'hui, invention qui devait multiplier le rayon d'action de l'engin. Les Allemands étudiaient aussi un sous-marin à propulsion chimique, capable de faire le tour de la Terre sans se ravitailler. Bref, il y avait vraiment là de quoi aiguiser les appétits des chasseurs de cerveau. Avant de poursuivre, tout à l'heure, au début de cet entretien, vous m'avez parlé de morale. Alors, dans cette chasse au cerveau, vous avez eu des scrupules ? Qui n'en aurait pas eu ? Parce que tous ces types, ces grands cerveaux allemands, avaient quand même collaboré sans état d'âme avec le pire des régimes qui soit. Ils étaient d'ailleurs souvent membres eux-mêmes du parti nazi. Bon, il ne faut pas oublier un point capital. Qui construisait leurs superbes engins de mort ? Des déportés ? Des travailleurs forcés ? Alors moi, je vous assure, je n'avais aucune admiration, mais alors aucun respect pour ces beaux cerveaux et leurs inventions diaboliques. Même si plus tard, on a fait de Von Braun le héros de la conquête de la Lune. Je n'oublie pas tous ces malheureux qui construisaient ces V2 à Peenemünde ou ailleurs, et tous les milliers de victimes de Londres qui sont tombées sous les V1. Ouais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, Rabelais avait raison, ô combien. Et d'ailleurs, tous ces nazis ont accepté sans aucune hésitation de travailler avec leurs vainqueurs, occidentaux ou russes. Bon, d'accord. Mais revenons à la France et aux Français maintenant, si vous voulez bien. Bon, d'abord, une curieuse histoire qui va bien vous montrer que l'affaire était d'importance. Je vous ai dit que les Américains avaient mis sur pied une organisation, la mission Alsos. Eh bien, les responsables donc, de cette mission sont arrivés à Paris avant même les troupes alliées et la 2e DB. Oui, quelques jours avant. Ouais, qu'est-ce qu'ils cherchaient à Paris ? Joliot Curie, notre grand physicien. Attendez, qu'est-ce qu'il lui voulait ? Il ne voulait quand même pas l'enlever, il n'était pas allemand, lui. Non, les Américains voulaient des informations. Et Joliot Curie leur paraissait être l'homme qui pourrait leur donner ces informations. Des informations sur quoi ? Sur la bombe allemande. On était en août 44, je vous le rappelle, et les gens d'Alsos étaient persuadés que les Allemands étaient sur le point de réaliser leur première bombe atomique, ce qui aurait pu bouleverser la donne, vous en conviendrez. Et alors, si vous le savez, que leur a répondu Joliot Curie ? Ben, il les a rassurés. Non, les Allemands n'étaient pas en mesure de construire la bombe atomique. Et ça a été, pour les Américains, un immense soulagement. Mais ce qui est étrange, c'est que ces types qui se sont précipités pour recueillir l'avis autorisé de ce grand savant français vont ensuite essayer de nous damer le pion, justement à cause de lui, à cause de Joliot Curie. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'il était proche des communistes. Ah, c'est ça. Oui. On passe quelques mois. Les Alliés ont passé le Rhin. La fin de la guerre est proche. La mission Alsos a repéré une mystérieuse installation en forêt noire, à Eschingen exactement. Il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soit un centre de recherche où travaillent des savants atomistes. Mais il y a un hic. Selon les plans alliés, ce sont les Français qui doivent occuper la région. Et pour les Américains qui, je vous l'ai dit, préparent déjà la guerre froide, il faut impérativement soustraire ces savants aux Français. Pour quelle raison ? Je vous l'ai dit, à cause de Joliot Curie. Les Américains sont persuadés que si les physiciens allemands tombent dans nos mains, Joliot Curie va leur extorquer leurs secrets et les transmettre immédiatement à Staline. C'est un peu comme un nuage simpliste, caricatural. Bien sûr, mais c'est exactement l'état d'esprit des gens de la mission Alsos. Et ils vont persuader le commandement américain de progresser à toute vitesse vers Eschingen et de nous brûler la politesse. Et ça s'est vraiment passé comme ça ? Tout à fait, au mépris de tous les accords passés entre alliés. Une colonne blindée américaine a foncé sur Eschingen et les responsables d'Alsos ont capturé une jolie brochette de savants allemands dont le professeur Otto Hahn, prix Nobel de physique. Et les Français ont laissé faire, hein ? Ben, les Français n'en ont rien su. Enfin, pas tout de suite. Je peux même vous dire que lorsque nos troupes sont arrivées à leur tour à Eschingen, les Américains avaient décampé. Mais, beaux joueurs, tout à la joie d'avoir mis la main sur les savants, ils avaient laissé intacts Cellier et Basse-Cour, ce qui au moins a permis à nos soldats de faire bombance. Et dans cette chasse au cerveau, les Américains ont toujours gagné ? Bien sûr que non. D'abord parce qu'à l'Est, les Soviétiques ont assez vite compris eux aussi qu'ils devaient s'intéresser aux savants allemands. On va en reparler si vous voulez bien. Mais nous aussi, nous n'avons pas tardé à réagir. Et en Allemagne, nous avons emmené dans nos bagages un étrange personnage, le capitaine Durand. Un type vraiment curieux. You win, and I lose. I beg, and you choose. You're so cool, and I'm confused. But I'm me. Uptight. You're day and I'm night. Like two ships in the night in foggy weather, just waiting for fresh winds to blow. And maybe we'll lose one another, but I could be wrong, I don't know. You get the best, I get the rest. I'm just a man. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un mot sur les Soviétiques avant de reprendre mon entretien avec Monsieur X. C'est en décembre 1944, donc bien après les Américains, que les Russes décident de se préoccuper de la richesse industrielle et technologique de l'Allemagne nazie. À cet effet, le Kremlin crée un département spécial avec à sa tête Malenkov. Il était temps, car les troupes soviétiques qui se sont emparées de la base ultra-secrète de Peenemünde ont d'abord pensé la faire sauter, au risque de détruire tous les équipements qu'elle contenait encore. Plus tard, les Russes auront la chance de découvrir une autre base, celle de Nordhausen, où ils trouveront non seulement des ateliers intacts, mais aussi des V2 en parfait état. Mais reprenons le fil de mon enregistrement avec Monsieur X. Je l'ai interrompu au moment où il me parlait d'un mystérieux capitaine Durand. Durand, ça sent le pseudonyme, non ? Bah, bien évidemment. Alors, qui était-ce en réalité ? Joliot-Curie, lui-même. Joliot-Curie, dont se méfiaient tellement les Américains parce qu'il était sympathisant communiste. Oui, j'avoue que c'était un joli pied de nez. Le grand physicien a donc accepté de nous accompagner sous un faux nom et affublé d'un uniforme de capitaine. Et pourquoi ce déguisement ? Bah, à cause des Américains, bien sûr, afin de ne pas leur mettre la puce à l'oreille. Alors, tout le monde se méfiait de tout le monde. L'enjeu était d'importance pour la France, elle qui, déjà, rêvait de construire sa propre bombe A. Déjà à l'époque. Oui, oui. Donc nos services avaient découvert des documents très précieux sur la recherche nucléaire. Attends, ils avaient découvert en Allemagne. Oui, hein? Donc il nous fallait un expert pour les analyser. Je dois donc d'ailleurs dire la vérité que Joliot-Curie n'a pas été le seul scientifique français à nous donner un coup de main. Bon, en tout cas, ça nous a quand même permis de nous emparer aussi de quelques savants atomistes qui allaient être capturés par les Russes. Une sorte de revanche, en somme, mais nous en avons pris d'autres. Et racontez. Eh bien, il y a par exemple l'histoire assez rocambolesque de Porsche. Porsche, le constructeur automobile ? Oui, enfin l'homme qui a inventé la coccinelle, la voiture du peuple, la Volkswagen. Ferdinand Porsche, je ne vous apprendrai rien, avait été un proche, très proche de Hitler. C'était une personnalité du régime nazi. Et il avait mis tout son talent au service de l'effort de guerre allemand. C'est lui, en particulier, qui avait dessiné les plans d'un char monstrueux qui faisait partie de la panoplie des armes secrètes d'Hitler. Alors j'imagine que dès la défaite du Troisième Reich, il a dû être activement recherché. Exactement. Et ce sont les Américains qui l'ont trouvé les premiers et qui l'ont arrêté. Or ce Porsche nous intéressait aussi, bigrement. Pourquoi ? Parce que notre industrie automobile était naufragée et qu'il nous fallait reconstruire, créer de nouveaux modèles. C'est ainsi qu'un jour, nos services secrets ont reçu l'ordre de capturer Porsche et de le ramener en France. Et quand vous dites capturer, ça veut dire le soustraire aux Américains. Et bien évidemment. Heureusement, la surveillance américaine s'était un peu relâchée. Et l'ingénieur allemand était tout simplement en résidence surveillée chez lui. Ce qui nous a facilité la tâche. En fin 45, des hommes de chez nous se sont introduits dans sa propriété et l'ont purement et simplement enlevé. Et ça n'a pas provoqué de remous ? Ah si, bien sûr, mais que voulez-vous ? À la guerre comme à la guerre. Ouais. Et une fois en France, qu'avons-nous fait de Porsche ? Eh bien d'abord, pour lui faire comprendre qu'il avait tout intérêt à coopérer, Porsche a été mis en prison. Et au bout de quelques temps, on lui a dit « Vous êtes libre si vous collaborez avec l'industrie automobile française. » Une sorte de chantage. Oui, oui. Enfin, ça ne me choque absolument pas. Ce Porsche, je vous le rappelle, avait été compromis jusqu'au cou avec les nazis. Alors, c'était pas le moment de faire du sentiment. Et il a effectivement accepté de coopérer. Tout à fait. Sur l'ordre du ministre de la production industrielle, le communiste Marcel Paul, Porsche a été affecté à la régie Renault. Et aussitôt, on lui a demandé de peaufiner la 4 chevaux, dont la sortie était alors imminente. Mais son intervention a été limitée parce que la conception de ce premier modèle de l'après-guerre était déjà trop avancée. Et puis, il faut bien l'avouer que les gens de la régie n'ont pas vu d'un très bon œil l'irruption de cet Allemand. Ouais, j'imagine la CGT Renault. Mais donc l'enlèvement de Porsche n'a pas servi à grand-chose. Ah, détrompez-vous, parce que Porsche, enfin, s'il n'a pas apporté grand-chose à la 4 chevaux, a travaillé ensuite très efficacement à la division camion de la régie Renault. C'est même lui qui a établi les plans de l'usine de Flins, lorsque Renault, trop à l'étroit dans l'île Seguin, a décidé de délocaliser une partie de ses installations, comme on dit aujourd'hui. Donc si je comprends bien, même si les Français ont pris du retard dans cette chasse au cerveau, bah, ils n'ont pas été trop maladroits. Bon, on peut dire les choses comme ça. Mais je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, cette chasse a été particulièrement féroce et dangereuse, surtout quand nous avons trouvé en face de nous les Russes. Et j'ai vécu personnellement cet épisode car je me trouvais à Vienne, au lieu de l'espionnage en Europe. Officiellement, je traquais les nazis, mais enfin je vous l'ai déjà raconté lorsque je vous ai parlé de ce fameux réseau Odessa, un réseau d'évasion des nazis. Et alors, officiellement, vous traquez les nazis et officieusement ? Bien, je participais avec mes amis à la chasse au cerveau, je vous assure, ça n'était pas sans risque. Avec X sur France Inter, en compagnie de Patrick Pénaud. J'ai cherché dans un livre très documenté sur nos services spéciaux, La piscine, de Roger Faligot et Roger Kropp, quelques détails sur cette époque. D'après ces auteurs, notre service de renseignement, la DGER, qui deviendra bientôt le SDEC, avait installé après-guerre un solide dispositif à proximité de Vienne. Le chef en était le colonel Lochard. Sa mission était double. D'abord, il menait une action classique d'espionnage en direction de l'URSS, en utilisant au besoin d'anciens réseaux nazis, mais surtout, le char devait récupérer en Autriche le plus grand nombre possible de savants et de chercheurs scientifiques, les cerveaux du Troisième Reich que soviétiques, américains, britanniques et français se disputaient. Retrouvons donc M. X qui, lui aussi, nous a dit se trouver à Vienne dans ces années-là. Vous vous souvenez du film « Le Troisième Homme » Tout à fait. De l'atmosphère glauque de la Vienne de l'après-guerre. C'était exactement cela. Et la vie d'un homme n'y valait pas très cher. Un de mes amis l'a compris, mais trop tard. Quel ami? Oh, à quoi bon vous donner son nom? Sachez seulement que cet homme était un scientifique, lui aussi. Et comme Joliot-Curie, un peu plus tôt, il nous assistait de ses conseils. Comprenez, avant de recruter un savant allemand, il fallait quand même savoir à qui on avait affaire. Évaluer ses compétences. Malheureusement, mon ami a été un peu trop curieux, un petit peu trop zélé. Et un beau jour, alors qu'il approchait un spécialiste allemand de l'aéronautique, il s'est trouvé en face d'agents soviétiques. Ça lui a été fatal. On a retrouvé peu après son corps dans le Danube. Et ça, c'était en quelle année? 1947, je crois. Mais 2 ans après la fin de la guerre, il restait encore des savants à découvrir? Bien sûr, beaucoup s'étaient cachés, ils attendaient qu'on les oublie, vous comprenez? D'autres, qui avaient étroitement collaboré avec les nazis, espéraient être évacués, toujours grâce à ce réseau Odessa qui empruntait la route des monastères italiens, mais vous en souvenez? Bien sûr, mais vous avez découvert des savants donc en Autriche? Quelques-uns, oui. Un seul exemple, plutôt pittoresque. Depuis longtemps déjà, on se demandait ce qu'était devenu le directeur de la recherche de la célèbre firme aéronautique Junker. Eh bien, nous avons fini par le localiser. Il avait tout simplement trouvé refuge chez une actrice, une certaine Magda Schneider. Magda Schneider, c'est la mère de Romy Schneider, non? Oui. Et d'ailleurs, il paraît que la petite Romy était là quand nos agents sont venus interpeller le bonhomme. Oui. Peut-être une légende, ça. Enfin, bon, peu importe. Et lui aussi, vous l'avez ramené en France? Naturellement. Et je dois dire qu'il y a fait une très belle carrière chez Dassault. On prétend même que les plans du Mirage lui doivent quelque chose. Et de l'autre côté, le rideau de fer, là, les Russes ont fait eux aussi une moisson comparable? Bon, à peu près, oui, mais en plus grand. Il faut dire que beaucoup des installations aéronautiques, en particulier, se trouvaient à l'est, c'est-à-dire dans la zone d'occupation dévolue à l'URSS. Alors autant vous dire que ça a été quand même plus facile pour eux de recruter. Des centaines, des milliers d'ingénieurs ont pris le chemin obligé de l'Est. Et si les Américains ont eu von Braun, les Soviétiques de leur côté se sont pas mal débrouillés en faisant travailler pour eux quelques-uns des meilleurs spécialistes des V2. Il faut quand même se rappeler que c'est dès 1947 que la première fusée soviétique s'est élevée dans le ciel. Et ça, grâce au savant d'Hitler, incontestablement. Vous parliez de von Braun. Lui, bien sûr, on le sait, il a été capturé par les Américains. Est-ce qu'il a été capturé ou est-ce qu'il s'est rendu? Il s'est rendu. Bon, c'était un type intelligent, bien sûr. Il avait compris assez tôt que Hitler perdrait la guerre. Et il s'était préparé de longue date à passer du côté américain. Bon, il faut dire qu'il pouvait légitimement craindre pour sa vie. Mais pourquoi? Bon, parce qu'il n'était pas inimaginable de penser qu'Hitler, plutôt que de prendre le risque de voir ses savants capturés par l'ennemi, ne choisisse de les faire assassiner. Je vous l'ai dit, cette chasse au cerveau était impitoyable. Et tenez, elle a sans doute connu un de ses derniers rebondissements chez nous, en France, en 1952. En 1952, expliquez. Eh bien, vous vous souvenez de l'affaire de Minici? Et de l'horrible assassinat d'un Anglais, de sa femme et de leur fillette. Mais bien sûr. Une affaire qui demeure encore mystérieuse à bien des égards. Mais quand on sait qui était Jack Drummond, on peut peut-être y voir plus clair. Drummond, scientifique de formation, avait été en effet un des plus éminents chasseurs de tête des services secrets anglais. Il avait une spécialité? Oui, la chimie. Et à ce titre, il s'était beaucoup intéressé aux armes chimiques allemandes. Et vous pensez qu'on aurait pu l'assassiner pour cette raison? Écoutez, je vais être franc, je n'en sais rien, mais avouez quand même qu'on peut se poser des questions, non? Surtout quand on se demande pourquoi les proches, les amis, les patrons de Drummond ont toujours nié contre toute raison qu'il ait réellement travaillé pour les services anglais. Je vous avouerai moi aussi que je n'ai nulle lumière particulière sur ce point. Je sais, comme vous sans doute, que des doutes subsistent quant à la culpabilité du vieux Gaston Dominici. Je sais que l'enquête a été faite dans des conditions bizarres, que de nombreux indices n'ont pas été pris en compte, et qu'aujourd'hui encore, la famille Dominici crie à l'erreur judiciaire. Aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous signale la lecture d'un livre qui vient de paraître chez Flammarion, livre préfacé par le petit-fils de Gaston et intitulé « Dominici non coupable, les assassins retrouvés ». L'auteur, le journaliste William Raymond, soutient que Drummond et les siens ont fait l'objet d'un contrat commandité par l'Est et que, raison d'État oblige, la vérité a été occultée. À vous de juger et je vous retrouve en septembre.